Ne me dérangez pas, je suis profondément occupé. Un enfant est en train de bâtir un village. C'est une ville, un comté, et qui sait tantôt l'univers. Il joue. Ces cubes de bois sont des maisons qu'il déplace et des châteaux. Cette planche fait signe d'un toit qui penche. Ce n'est pas mal à voir. Ce n'est pas peu de savoir où va tourner la route des cartes. Cela pourrait changer complètement le cours de la rivière, à cause du pont qui fait un si beau mirage dans l'eau du tapis. C'est facile d'avoir un grand arbre et de le mettre au-dessus d'une montagne pour qu'il soit en haut. Joie de jouer, paradis des libertés. Et surtout, n'allez pas mettre un pied dans la chambre. On ne sait jamais ce qui peut être dans ce coin et si vous n'allez pas écraser la plus chère des fleurs invisibles. Voilà ma boîte à jouer, pleine de mots pour faire de merveilleux enlacements. Les alliés, séparés, mariés, déroulement tantôt de danse et tout à l'heure le clair éclat du rire qu'on croyait perdu. Une tendre chiquenaude et l'étoile qui se balançait sans prendre garde, au bout d'un fil trop ténu de lumière, tombe dans l'eau et fait des ronds. De l'amour, de la tendresse, qui donc oserait en douter, mais pas deux sous de respect pour l'ordre établi, et la politesse et cette chère discipline, une légèreté et des manières à scandaliser les grandes personnes. Il vous arrange les mots comme si c'était de simples chansons, et dans ses yeux, on peut lire une espiègle plaisir à voir que sous les mots, il déplace toute chose et qu'il en agit avec les montagnes comme s'il les possédait en propre. Il met la chambre à l'envers et vraiment, l'on ne s'y reconnaît plus, comme si c'était un plaisir de berner les gens. Et pourtant, dans son œil gauche, quand le droit rit, une gravité de l'autre monde s'attache à la feuille d'un arbre. Comme si cela pouvait avoir une grande importance, avait autant de poids dans la balance que la guerre d'Éthiopie dans celle de l'Angleterre.